jamais j'ai vu mes potes, les vrais depuis que j'ai mis pied dans ce bled. Pris d'emblée comme un poster, j'ai pris les pires vanity plaids sur moi. Espèce de cal parce que ma couleur était mat. Rier comme Debert et j'étais celui que l'on mate chaque soir. Des portes se claquent, des cris des gosses me blessaient. On traitait ma race de tout ma mère. Ça s'ils savaient ce que je pensais, tous ces putes ils mettaient chaque jour pression. Du bahut jusqu'à chez moi c'était bien pire qu'une mission. Et si le chouin tenait qu'à moi au bout de 3 jours je serais part. Père de temps ou père d'année, j'ai fait mon temps ma tipart. Genre ma gueule est vite embrouillée, ça pour ne pas me faire tricard. À place d'art, j'étais comme du père la première fois que j'ai mis les pieds, les bâtards. Disais déjà qu'est-ce qu'il vient foutre de notre képi et par ego. Ou tête de veau s'en faisait périr certains. Ma tenue large, mon allure pas. On m'appelait même le requin. J'avais comme soi-disant des zincs un peu partout et nulle part. Pourtant la première main serrée était Landry et plus tard. J'ai appris que le pauvre était tipart. Si mes pas dans le bahut étaient plus lourds qu'une massue, c'était pour me faire entendre parmi ces semblés où t'as reçu. On dit chien d'Orléans parce que l'intrus y prête pas. Et quand les cerveaux boucan, et ben mon gars j't'en parle pas. J'ai failli me faire mêler parmi les mille maghrébins de la source. Pourtant j'y vais là-bas dans le même décar malgré ça eux tous. Voulais me tester mais aucun geste de ma part, j'étais nouveau. Genre ma gueule est vite l'embrouille et ça pour ne pas avoir de rivaux. Mais le temps passe, efface les belles attaches, t'y cachais ma ponce. Des idées meurtres, pire thriller comme ceux interdits en France. Rien de plus qu'avant seulement le premier CD qui sort. La nouvelle donne a fait mon horizon. Comme celui d'Exor, dès qu'il s'agit de Wham. Puis j'ai connu cette meuf ou l'ex-ami d'un ami. T'as mis la main sur mon ami, mais t'es pire qu'un ennemi. Malgré ça, je pourrais pas nier les pires délires avec mes sauces. Dédicace à eux, les miens, les vrais de Niel et jusqu'à sauce. Enfin, l'album sorti et l'heptagone dans les bacs. On a fait le possible pour plaire, que tu sois plombeur ou bien black. Voilà, que tout basque, l'esprit critique se forme autour. Certains se plaignent de ne pas se voir dans le dépliant. Et alors, gré des confusions. Et si on se tape, ça rongerait bien d'autres. NX, qui bute NX, c'est ce qu'ils attendent de notre part en trop. On est le 902, 2011 et ce soir. Je sais ce tram, j'attends la suite pour terminer mon histoire.